Nous avons le plaisir de recevoir ce mardi 8 mars Fabrice, animateur du foyer des jeunes, Jade, Charlène, Loman, Johan, Erwan, Mathéo, parmi les 13 élus du nouveau conseil municipal enfant de Généthon, créé le 26 novembre 2010. Nous allons donc présenter aux fidèles auditeurs de Stepline Radio ce conseil municipal enfant qui est animé par Fabrice et des élus municipaux adultes. Fabrice, pouvez-vous m'expliquer tout d'abord ce qu'est un conseil municipal enfant ? Oui, bonjour d'abord à tous aux auditeurs de Stepline Radio. Donc le conseil municipal enfant, en fait, c'est une instance qu'on a créée en partenariat avec les écoles de la commune, les deux écoles, donc école privée, école publique, et le conseil municipal adulte. Et donc en fait, c'est une instance qu'on a créée pour donner la parole en fait aux enfants scolarisés en classe de CM1, CM2. Donc le principe était de coller le plus aux élections en fait adultes, c'est-à-dire donc avec une campagne électorale, des créations d'affiches avec un programme, ensuite des élections et ensuite donc la création du conseil municipal avec un travail en commission et en sous-commission pour faire avancer des projets pour améliorer la commune de Généthon, la vie sur la commune de Généthon en fait. Donc maintenant, les enfants, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs de Stepline Radio ? Bonjour, je m'appelle Mathéo, j'ai 9 ans, je suis en classe de CM1, Marcel Pagnol. Bonjour, je m'appelle Erwan, j'ai 10 ans et je suis en classe de CM1, Sainte-Marie-Madeleine. Bonjour, je m'appelle Johan, je suis en CM2, j'ai 10 ans et demi et je suis à l'école publique. Bonjour, je m'appelle Loman, je suis à l'école publique. Bonjour, je m'appelle Charlène, j'ai 9 ans et je suis en CM1 dans l'école Sainte-Marie-Madeleine. Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 10 ans et demi, je suis en classe de CM2. Alors Jade, qu'est-ce qui t'a motivée à te présenter au CME ? Je voulais changer un peu la commune. Je voulais améliorer la commune. Je voulais une ville plus belle. Oui, Erwan ? Je voulais améliorer des trucs dans la commune. Alors Mathéo, quelles étaient tes propositions ? De mettre à côté des poubelles feuilles et verres, de mettre des poubelles pour les piles. Erwan. De changer les vestiaires du stade de football, mettre des pistes cyclables, mettre des toilettes publiques, installer une crèche, mettre un mini-golf et plus de places handicapées. Faire un skatepark, un terrain de tennis, une salle de jeux vidéo et de quartier. Le man. Avoir une salle de dessin gratuite. Faire une piste de roller, faire des pistes cyclables, avoir de nouveaux jeux au parc de jeux, mettre du revêtement pour le parc de jeux. Jade. Mettre un bowling, un accrobranche, plus de jeux au plan d'eau et un foyer exprès pour nous. Alors Jade, quelle idée principale de ton programme voudrais-tu mettre en place lors de ton mandat ? Mettre un foyer exprès pour nous. Une piste de roller. Et le parc. Des places handicapées. Mettre des poubelles pour les piles. Comment as-tu mené ta campagne dans ta classe et au sein de ton école, Mathéo ? On a mis des affiches. Ouais. Comme ça, après, tout le monde lisait les affiches et on votait. Erwan ? La même chose. Par exemple, des CM2 pouvaient voter pour des CM1 de l'école publique. Par exemple, les CM2 qui étaient en privé pouvaient voter pour des élèves de l'école publique. La même chose. La même chose. La même chose, déjà la même chose. Alors Jade, pensais-tu être élue ? Oui. Oui ? Sans aucun... Non. Non, pas du tout ? Et toi, Loman ? Oui. Non plus ? Non. Oui ? Erwan ? Pas du tout. Pas du tout, Mathéo ? Et quelle a été ta réaction quand tu as appris que tu étais élue, Mathéo ? Yes. Yes ? Erwan ? Super heureux. Super heureux ? Très content. Et Loman ? J'ai rigolé. T'as rigolé ? J'étais surpris, je ne pensais pas être élu. Je tiens à remercier Fabrice, qui, je vous le rappelle, est animateur du nouveau conseil municipal enfant et du foyer des jeunes de Généthon,